ce vendredi à La Vie en BD. Des lectures, coups de cœur et des idées cadeaux. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30, comme à l'habitude, pour parler 9e art. Pour parler 9e art une dernière fois également cette année. Et on brise un peu l'habitude des dernières années. En fait, je ne sais trop pourquoi, mais mes émissions rétrospectives, je les faisais plutôt dans les dernières années, en janvier. Donc, la première émission du retour de janvier. Cette année, je me suis dit, on va changer un peu l'habituel et on va plutôt essayer de faire l'émission rétrospective et des cadeaux avant le temps des fêtes. Donc, comme ça, si vous êtes un peu à la traîne, un peu à la dernière minute, si vous cherchez des idées cadeaux autour de la sphère BD, eh ben, au fil de la prochaine heure, c'est certain que vous aurez un tumulte de recommandations, une cavalcade de recommandations des plus diverses. Donc, on a invité tous les collaborateurs de l'émission également à venir faire un tour aujourd'hui. Alors, notamment, en fin d'émission, il y aura Jérôme Vermette qui viendra nous partager ses coups de cœur de l'année 2017. Et un peu comme moi qui va vous partager les miens également, eh ben on s'est pris vraiment à la tête pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait bien vous proposer pour être certain de faire les bons choix et d'avoir les bons titres. Alors je verrai, je ne sais pas encore ce qu'il nous réserve. On le verra en fin d'émission. Dans mon cas, je vous présenterai également mon palmarès de la BD québécoise en première partie. Il y aura également Marco Duchesne qui viendra faire un tour, qui lui aussi est un peu dans les coups de cœur et suggestions. Il me fournit une liste quand même assez imposante. Mon Dieu, plus d'une dizaine de titres dont on tentera de parler en une douzaine de minutes. Alors, on fera avec lui donc littéralement un sprint de propositions. Et tout à l'heure, en fait, il y aura également Édouard Tremblay qui sera de passage pour nous partager quelques idées cadeaux à l'orée des fêtes. Alors, c'est le menu pour aujourd'hui, ici à La Vie en BD. Évidemment, comme à l'habitude, on commence l'émission avec quelques actualités issues de la sphère BD. On termine d'ailleurs l'année finalement avec une triste nouvelle, décès qu'on a appris tout récemment, celui d'Annie Goetzinger, qui est décédée donc le mercredi 20 décembre dernier à l'âge de 60 ans seulement. Née en 1951, la dessinatrice s'était entrée au magazine Pilote après des études aux arts appliqués où elle étudiait le dessin de mode. Son premier album, Casque d'or, en 1976, a remporté deux prix au Festival d'Angoulême. Elle dessine ensuite Aurore, une vie de Georges Sand en 78, d'après un scénario d'Adela Turin, également Félina en 79 pour Victor Mora. Elle va publier dans Circus, dans l'écho des savanes, dans Fluide glacial, dans Métal hurlant. On dit qu'avec son trait clair, tout en élégance, elle est l'une des rares dessinatrices de l'époque, avec Claire Bretécher ou Chantal Montelier. Et à partir des années 80, elle va collaborer beaucoup avec Pierre Christin sur, entre autres, La Demoiselle de la Légion d'honneur, La Voyageuse de la Petite Ceinture, Le Message du Simple, Paquebot, L'Agence Hardy et bien d'autres. En 2014, elle est grand boom du 31e Festival BD Boom de Blois pour l'ensemble de son œuvre. Et cette année, Dargaud publiait son nouveau roman, son nouvel album, Les Apprentissages de Colette, où la vie mouvementée et libre de la célèbre écrivaine était mise en dessin. Alors ben voilà donc décès d'Annie Goetzinger. Nouvelle plus joyeuse, tiens, lauréat 2017 du prix papier nickelé de la SOBD récompensant le meilleur ouvrage de BD sur le patrimoine dessiné a été dévoilé. Alors 12 titres avaient été sélectionnés et ces cases strip action, les feuilletons bande dessinées dans les magazines pour la jeunesse d'Alain Boilat, Marine Borel, Raphaël Oesterlé et Françoise Revaz qui ont eu les faveurs du jury. Un ouvrage de 248 pages qui propose de faire connaître une production foisonnante et emblématique de la culture populaire des années 46 à 59 en l'envisageant sous l'angle de l'histoire de la bande dessinée. Autre anniversaire également qu'on signale, le 4 janvier prochain va paraître le 500e numéro quand même de Fluide Glacial, un journal d'humour et de bande dessinée créé, on se le rappelle, en 75 par Gottlieb, qui aura vu défiler au fil de ses pages plus de 200 auteurs, par lesquels entre autres Édica, Franquin, Binet, Goussens, Coyote, Jean Solé, Meister, Larsenet, Margerin, Dupuis, Berbérian, Jean-Christophe Menu, Riyad Satouf, Christophe Bouzard, Sal Chmaud, Julien et bien bien d'autres, évidemment, quand même 200. Pour célébrer plus de 40 ans d'existence, donc Fluide Glacial de 500 va proposer 180 pages inédites sur le thème du futur. Alors voilà pour ces quelques clins d'œil autour de l'actualité. En musique, la formation qui nous accompagne cette semaine, toujours dans la 8-bit, eh bien, elle s'appelle Sight, et on écoute un premier extrait de leur album Chipscape. À l'écoute de La Vie en BD. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez nous suivre sur Facebook, facebook.com/La Vie en BD. On vous partage actualités, événements et autres éléments. Et également, ai-je besoin de le signaler, la plupart des émissions sont disponibles en balado-diffusion sur lavieenbd.wordpress.com. Alors, question d'amorcer cette émission Prétendez Fêtes. Ben, on tombe d'emblée et tôt d'abord, donc, dans les suggestions et idées cadeaux. Là, nos libraires en résidence, Édouard Tremblay, est avec nous au bout du fil. Édouard, bonjour. Bonjour Raymond, en direct de la frénésie de Chupantoute. Oui, en fait, c'est assez... on imagine, là, on est vraiment dans la dernière minute pour les idées cadeaux. Les suggestions fusent à gauche, à droite. Et t'en as quelques-unes pour nous, d'ailleurs. On va se lancer tout de suite, tiens, on va rester dans la frénésie et le sprint des fêtes. Alors, avec le coffret de la caste des Métabarons. Oui, ma grande série fétiche, ma préférée de tous les temps, celle par laquelle je jure et je rejure. Je pourrais bien sûr, écoutez, vous la raconter par le menu durant des heures et des heures et des heures, mais à quoi bon? On a reçu ce magnifique coffret, 2 volumes, dans un coffret richement illustré, et c'est vraiment l'intégrale, les 8 volumes qui font cette grande série épique et intemporelle qu'est la caste des Métabarons, avec en plus, ça ne nuit jamais, une belle trentaine de pages supplémentaires pour nous permettre de continuer en fait à explorer ce très très vaste et magnifique univers. Donc ça, bien sûr, pour les amateurs de science-fiction, pour ceux qui désirent le découvrir et même aussi pour ceux qui désirent le redécouvrir, parce que c'est le genre de truc qu'on relit avec autant de plaisir que la première fois. Oui, puis en fait, on dirait que le supplément vient ajouter peut-être un petit quelque chose pour ceux qui ont déjà la série. Peut-être en fait pour ceux qui la connaissent pas, qui disent « Métabarons », en quelques mots, Édouard, qu'est-ce qui fait que cette série, pour toi autant que pour beaucoup d'autres, ça reste un incontournable? Ben évidemment, bon, pour ceux qui justement ne connaissent pas, la caste des Métabarons, c'est une des œuvres phares d'Alessandro Jodorowsky. Et elle a cette importance de par, notamment, bien sûr, sa parenté avec la série de Lincal, qui est un peu la série mère qui nous a donné les Métabarons, mais parce que cet ensemble-là aussi, pour quelqu'un qui aime la science-fiction, eh bien, on va y retrouver la base, la source de tellement de référents qui sont apparus au fil des ans, de tellement de clins d'œil. C'est une base qui a engendré tellement d'enfants, tellement de produits, de sous-produits, qu'on ne peut pas passer à côté de ça. C'est la grande saga épique de science-fiction, au-delà des Star Wars et des Star Trek et tout. Vous me demandez à moi, c'est les Métabarons qui s'imposent d'emblée. Et je ne sais pas pourquoi, mais on dirait qu'il y a plusieurs éditeurs qui profitent aussi du temps des fêtes pour lancer justement les versions collectionneurs, des intégrales et le reste. Et ça permet de revisiter aussi des séries, parfois qu'on peut avoir échappé aussi, même s'ils sont imposés rapidement comme incontournables. Bon, les Métabarons, évidemment, c'est un classique, mais il y en a d'autres aussi plus récentes, comme La Colère de Fantômas. La Colère de Fantômas, exactement, hein, qui, il y a quelques années, nous a fait connaître une nouvelle dessinatrice d'un très, très, très grand talent qui s'appelle Julie Rochelot, une jeune fille du Québec et qui est déjà là avec quelques publications qui nous montrent toute l'ampleur de ce talent-là, donc plein de promesses. Et une magnifique adaptation scénaristique également de ce personnage iconique qui est Fantômas. Mais bon, Fantômas, hein, au fil des ans, il a été adapté, il a été réadapté à toutes sortes de sauces, à toutes sortes sous toutes sortes de formules. On est ici assez loin là du côté un peu plus humoristique qu'on retrouvait à l'époque. On a des films de funeste et tout. Ce que vraiment on est allé chercher avec l'intégrale de La Colère de Fantômas, eh bien, c'est le retour à ses racines propres, à ce qu'était Fantômas vraiment au moment de sa naissance, c'est-à-dire ce personnage très sombre, extrêmement étriqué, qui tout tourne autour de l'intrigue, cet homme insaisissable mais en même temps très très cruel et très dur en termes de personnalité. Donc c'est tout ça en fait qui a été magnifié, qui a été rendu par Rochelot. Et là, bien sûr, comme on le disait, ben la chance exceptionnelle. Donc on a les trois volumes, donc le cycle complet en un seul. Et en fait, tu soulignes le dessin de Rochelot. En fait, pour ceux qui ne l'ont pas encore, parce que je pense qu'on chante les louanges collectivement du travail qui a été fait sur La Colère de Fantômas depuis quelques années. Et si on n'a pas encore pris le temps de prendre le livre et de le feuilleter, c'est simplement un peu comme pour beaucoup de livres de Julie Rochelot d'ailleurs, on l'ouvre et on est happé. Il y a vraiment quelque chose dans son dessin, autant dans Fantômas que dans Betty Boop, et justement les deux albums sont un peu à deux extrêmes de son trait, donc le côté gothique sombre de Fantômas, puis à l'autre extrême on a l'explosion de couleurs et de joie de vivre, si on peut dire, de Betty Boop. Exactement, et sans oublier aussi La Petite Patrie. Oui. Et là, cette force-là justement qui à mon avis est un des traits de justement de ces illustrateurs, de ces dessinateurs de talent-là, elle rend à chaque fois son œuvre très personnelle, très propre. On y reconnaît son trait, on y reconnaît sa marque, mais elle sert également le scénario avec ce trait-là. Elle le magnifie, elle l'amène dans d'autres directions, dans d'autres grandeurs, et c'est apporté à son mérite, non vraiment une dessinatrice à ne pas laisser passer. Là, tu nous as suggéré deux coffrets autour justement de la BD franco-belge et de la nouvelle BD franco-belge. Il y en a une troisième suggestion qui s'en vient de ce côté-là, on va revenir tantôt, mais peut-être une petite parenthèse, une suggestion pour ceux qui ont plus envie de plonger dans la sphère des comics. Oui, tout à fait. Ben évidemment, surtout avec le cinéma et tout, on est depuis quelques années dans un grand foisonnement de l'univers des comics. Et bien sûr, ça offre la possibilité aux maisons d'édition de remettre de l'avant certains des récits iconiques, certains des grands récits qui ont marqué l'époque. Bien sûr, maintenant, avec la venue prochaine au cinéma du nouveau Avengers, tout ça se transpose dans l'espace. Donc, ce sera toute la quête du Infinity War, Infinity Gauntlet. Et donc, c'est ce que Marvel nous a proposé juste avant le temps des fêtes, un magnifique coffret qu'ils ont baptisé Marvel Event Space. Et donc, Magatit, c'est en français. Mais on va y retrouver les grandes sagas qui ont justement illustré tout l'aspect plus de l'espace, en fait, de Marvel. Donc, justement, Le Gant de l'Infini, La Guerre de l'Infini, World War Hulk. Donc, vraiment, un ensemble très, très complet pour quelqu'un qui soit désire les réavoir à portée de main, vu le film qui s'en vient, ou pour quelqu'un qui désire faire découvrir l'univers, justement le Space Marvel, à un néophyte, c'est une occasion en or de les découvrir. Oui, puis pour se reconnecter un peu, pour ceux qui se demandent Marvel Events, parce qu'il y a quand même beaucoup de nouvelles séries, essentiellement, c'est un peu les points culminants d'une série d'arcs narratifs. Exactement, exactement. C'est souvent ce qu'on va nous présenter, par exemple au cinéma. Ben c'est justement ces fameux events là. C'est-à-dire qu'on va mener comme ça en parallèle les séries avec divers super-héros. Bien sûr, chacun suit ses propres aventures, ses propres combats, ses propres antagonistes, jusqu'à certains points, disons, où tout devient plus étroit, où tout se réimbrique et tout d'un coup la menace ou les menaces qui étaient comme ça, ponctuel, se retrouvant et étant d'une ampleur beaucoup plus grande, eh bien, c'est ce qui implique plusieurs super-héros, plusieurs menaces également, et donc, c'est ce qu'on appelle essentiellement un event, donc c'est grand, justement, cet événement-là, très unificateur, où on va retrouver une panoplie de nos héros, comme je disais, les films, notamment des Avengers, ou même de ceux des Gardiens de la Galaxie, en sont de beaux exemples. Oui, puis au niveau BD, enfin, on va chercher parfois des scénaristes aussi, des grands scénaristes pour accompagner ces events-là. Exactement, exactement. Et c'est, il y a dans l'univers du comics, il y a toujours eu dans l'univers du comics, mais on a aussi depuis quelques années, des talents émergents qui succède avec brio à ceux qui ont pavé la voie, bon, c'est évidemment au grand nom comme Kirby, ces choses-là, mais on a quelques nouveaux jeunes gens qui, au fil des 10, 20 dernières années, ont vraiment revampé l'univers Marvel, lui ont redonné des couleurs propres, l'ont modernisé, l'ont mis à leurs mains, et c'est encore une fois l'occasion là, de prendre contact avec ces gens-là. C'est vraiment une porte ouverte sur un avenir qui s'annonce encore très, très, très beau pour le comics. Et dernière suggestion, cadeau, Édouard Tremblay, on y va avec un classique, mais là, tu m'as intrigué parce que c'est celle-là, je l'ai pas vu passer. Tu me parles d'une intégrale noir et blanc de Torgal. Oui, tout à fait. Ben, ils avaient fait également la même chose avec la série Comanche. C'est passé, évidemment, un peu sous le radar. Malheureusement, bien sûr, c'est des séries qui datent quand même d'un certain temps, mais encore une fois, soit pour l'amateur, bien sûr, et Dieu sait que la série Torgal a son bassin gigantesque d'amateurs, et ça depuis maintenant des années, des décennies, ou même pour, justement, je me disais, quelle belle occasion de faire découvrir un jeune lecteur, une jeune lectrice, toute la richesse et toute l'ampleur de l'univers de Torgal. Et donc, ils ont progressivement commencé, on en a deux maintenant parus, ils vont regrouper 4 ou 5 BD, justement, dans l'ordre chronologique de la présentation, dans un très, très beau format, même qui dépasse un peu le format européen classique, donc on en a encore plus pour le ravissement des yeux. Et tout ça présenté en noir et blanc, donc avec complètement une autre perspective. Non pas que j'aime pas les coloris ou rien de ça, mais reste que quand on a la chance d'avoir cette approche très épurée où on n'a que l'encre et que la blancheur de la page, et ça permet une appréciation différente du talent du dessinateur, du talent de composition, mais qui vient, encore une fois, je pense, ajouter aussi bien pour le collectionneur que pour celui qui découvre le truc là. Oui, puis effectivement, ça permet de voir aussi l'évolution de la série, parce que Torgal, sur le plan graphique, quand on prend le temps d'observer, c'est hallucinant comment la technique de Rosinski a évolué ou en aboutir aujourd'hui, où il travaille en couleur directe, alors qu'au début, c'était vraiment une approche plus classique, donc ça permet aussi de prendre acte, peut-être, de cette progression-là. Ben tout à fait, hein, c'est inévitable, on le sait, avec les grandes séries fans, des séries qui roulent, bien sûr, depuis des années. Bon, on pense, oui, à Torgal, on pense à Tintin, on pense à Astérix, le dessin, le scénario, ces choses-là, bien sûr, vont évoluer au fur et à mesure que l'expertise des auteurs, que leur procédé de dessin ou de scénario vont se modifier, vont se bonifier au fil des ans, et donc, oui, c'est une belle occasion, justement, de reprendre contact avec ça. C'était un peu, je dirais, le motto de base, un peu toutes mes suggestions, mais spécifiquement pour Torgal, je dirais, ne laissez pas passer ce moment-là, parce qu'en plus, ce genre de réédition-là, c'est souvent très ponctuel, c'est souvent très événementiel, donc un coup que c'est parti, tant pis pour les collectionneurs, ça devient beaucoup plus difficile de les retrouver, donc une occasion que les amateurs regretteront d'avoir laissé passer. Ben, Édouard Tremblay, merci beaucoup pour ces idées et on souhaite un bon temps des fêtes. On se retrouvera donc en début d'année 2018. Excellent. Ben, bon temps des fêtes à toi, Raymond, et également à tes auditeurs. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors voilà, c'était Édouard Tremblay, donc l'un de nos libraires en résidence. Et nous, on repart en musique. la formation Chipscape qui nous accompagne au fil de cette émission, dernière émission avant la pause du temps des fêtes. La VMBD sera de retour le 5 janvier avec rediffusion d'une vieille entrevue, une entrevue classique qu'on a réalisée dans le passé avec Jean-Claude Mézières. Et ensuite, on sera de retour en saison régulière à partir du 13 janvier. C'est maintenant à mon tour de vous faire mon petit palmarès de fin d'année puisque c'est là-dedans qu'on plonge. Dans mon cas, j'ai décidé de me borner et de me limiter à la bande dessinée québécoise. Alors, ce sera donc des coups de cœur, 5 coups de cœur issus de la bande dessinée québécoise publiée en 2017. Évidemment, c'est, je rappelle, un palmarès de lecteurs d'abord et avant tout, des lectures qui m'ont happé, qui m'ont frappé, qui m'ont fait réfléchir. Donc, je suis pas vraiment dans le quantitatif, mais purement dans le qualitatif, donc des choix très personnels. Et avant de faire le grand saut, peut-être quelques mentions honorables. Alors, ces titres pour lesquels je me suis dit, je pourrais peut-être les mettre dans mon top 5 avant de me dire que je ne les y mettrais pas pour X raisons, mais des titres que je souhaite tout de même mentionner, des titres comme L'Esprit du camp, le tome 1 de Michel Falardeau chez Lunac, un titre qui avait joyeusement amorcé mon été littéraire 2017, une histoire de camp de vacances entre quotidien et fantastique, une enquête matinée de petits moments et de petits instants, et surtout un Falardeau en pleine maîtrise de ses moyens, tout particulièrement dans ses dialogues, un premier tome qui évidemment donne envie et hâte aux second. Des titres aussi comme « Longs cheveux roux » de Meagz Fitzgerald ou encore « Moi aussi, je voulais l'emporter » de Julie Delporte, tous deux aux éditions Pow Pow. Deux récits de construction identitaire. La première qui nous offre une forêt dans son intimité, dans des moments clés de son existence qui, côte à côte, l'ont amené à définir sa bisexualité. Un beau récit à la fois simple et complexe. Une somme d'instants qui peuvent sembler anodins au premier abord, mais qui, au fil d'addition, viennent forger justement l'essence de qui elle est et de qui, finalement, quelqu'un est au final. Et juste à côté, Julie Delporte, elle nous ouvre les portes de son esprit, nous expose pour l'essentiel la construction de sa pensée féministe, un récit arrivé dans le sommet du mouvement « Moi aussi », qui devient un outil de compréhension pour les uns, un moment de partage pour les autres, le tout dans un style de journal intime bien dosé. Et encore, j'aurais pu aussi insérer dans un top 5 deux des aventures de Bob Leclerc que nous a offert Grégoire Bouchard du côté de Mosquito dans la dernière année, « Terminus, la Terre et le cauchemar argenté », un beau récit rétro-futuriste, une science solide et bien exposée, une ambiance qui nous ramène dans l'esprit visuel de la BD des années 50-60, un dessin touffu, détaillé, riche, une bande dessinée dont on en a peut-être trop peu parlé en 2017, à mon avis. Mais bon, ce n'est pas un top 9, c'est un top 5. Alors, on passe au cœur du sujet, le top 5, justement. Alors, en cinquième place, j'ai donné à Extase, tome 1, où l'on découvre que le sexe des filles n'a pas la forme d'un X, de Jean-Louis Tripp. C'est chez Casterman. Une belle surprise pour moi. Après, il y a la superbe série Magasin Général. Je dois avouer ne pas avoir pensé voir atterrir Jean-Louis Tripp là où on l'a fort heureusement retrouvé avec Extase. C'est que pour le non-initié, en fait, l'auteur a choisi de nous introduire dans son intimité, de nous offrir son éducation et son parcours sexuel. Le premier tome dont il est ici question concerne ses années de jeunesse et d'adolescence, autant que les débuts de sa vie de jeune adulte. Il nous partage les premiers contacts avec lui-même, autant que ceux avec le sexe opposé, cela sans oublier les expérimentations des premières années, bonnes et moins bonnes. Et tout ça sans tomber d'un côté dans le récit érotique ou pornographique, c'est-à-dire qu'on montre, oui, mais sans artifice et surtout avec une grande sincérité, sans l'impression qu'on cherche à magnifier ou effacer, tout ça appuyé par un dessin à la fois simple et solide. Alors ça, c'est Extase. Quatrième position, elle, je la donnerai à « Comment je ne suis pas devenu moine » de Jean-Sébastien Bérubé chez Futuropolis. Après Radisson, Bérubé a complètement réinventé son style et lui aussi nous propose un récit personnel et intimiste. Donc, dans « Comment je ne suis pas devenu moine », il nous entraîne vers le passé récent, à un moment où sa quête de sens l'avait amené à plonger dans la foi bouddhiste. Il nous explique pour comment il est plongé et pourquoi. Il nous amène, au fil d'un voyage qu'il mène vers le Népal et le Tibet, pourquoi, plutôt que de devenir moine, il nous explique qu'il a choisi d'en sortir. Alors, un récit bien maîtrisé sur le choc entre idéal et réalité, appuyé par un dessin à l'esprit de croquis de voyage où se côtoient rencontres, paysages et architecture, une opportunité de découvrir le quotidien de ces contrées, une occasion d'explorer la philosophie bouddhiste et un moment pour prendre acte de ses dérives où, à l'image d'autres religions, les considérations bien humaines prennent parfois le dessus sur la foi. En troisième place, je la donnerai à 7 de Tom du côté des éditions Pow Pow. Alors, pour sa première bande dessinée, Tom a choisi de s'intéresser à des thématiques d'importance, un brin philosophique, la volonté de créer, l'idée de vocation, les grandes remises en question. Et il a choisi d'aborder ces thèmes par le biais d'une bande dessinée muette, rien de moins. Alors, il y met en scène deux personnages, un auteur angoissé par la page blanche qui devait amorcer son 7e roman à succès et qu'il ne peut démarrer. La mort également, grande fan de l'auteur, qui est prête à tout pour que le dit auteur amorce et complète le 17e tome. Alors, qu'est-ce qui empêche l'auteur d'avancer? Pourquoi la mort tient-elle autant à ce qu'il prenne cette parole? Est-ce qu'elle aurait, elle aussi, quelque chose à dire? S'ensuit alors un récit rythmé, dynamique, absurde, drôle, où les mots n'ont pas leur place, où l'on arrive aisément à poser questions et conclusions sans eux. Une première œuvre qui est véritablement réussie, là, véritablement réussie, je le redis. En deuxième place, je le donne à Betty Boob de Véronique Cazot et Julie Rochelot chez Casterman. Dire en fait que j'ai commencé l'année en me disant que je n'étais pas un grand amateur de bande dessinée muette. Bon, finalement, au terme de l'année, donc deux de mes coups de cœur québécois appartiennent à ce style. Et donc après 7, on se plonge dans Betty Boob, un récit de reconstruction, de transition. L'histoire d'une jeune femme qui, après avoir subi une mastectomie, doit se réapproprier son corps et son être. Donc cette image d'elle-même, cette confiance, elle se la recréera à travers le burlesque, au fil de récits enlevants, émouvants, drôles, où les moments intimes et coquins accompagnent d'autres séquences qu'un Buster Keaton n'aurait pas reniées. Tout ça avec des couleurs éclatantes, avec une mise en scène relevée. Et si vous ne l'avez pas encore fait, si vous avez besoin d'être convaincu sur l'intérêt visuel de ce volume à tout le moins, simplement, feuilleter l'ouvrage en librairie va achever de vous convaincre. Alors bref, tous les ingrédients sont là pour faire de cette BD l'une des meilleures BD que j'ai eu l'occasion de lire cette année. Et en première place, ben j'aurais tendance à donner donc cette place à Vogue la valise de Cyrus du côté des éditions La Pastèque. Dans Vogue la valise, Cyrus en fait nous raconte son parcours de la naissance à ses 18 ans, l'histoire d'une jeunesse volée, d'une confiance constamment prise d'assaut, d'une vie vécue sous l'idée d'une épée de Damoclès et la pression qu'elle suppose, et aussi l'histoire de bouée de sauvetage, le dessin, la musique, les amis qui sont venus empêcher le naufrage, permettre la résilience. La poule, donc l'avatar animalier de l'auteur, perd sa famille à l'âge de 2 ans, sorti de son milieu biologique par les services sociaux qui, à l'image de ses frères et ses sœurs, le confie à des familles d'accueil qui n'ont pas véritablement envie de l'accueillir. Un parcours ponctué de moments riches en émotions où on a d'autres choix que de partager tristesse et désespoir avec le personnage autant qu'avec l'humain derrière lui. Un parcours qui nous est également raconté sans pathos, avec sincérité et surtout avec humour. Donc, acteur de la BD Underground au Québec dans les années 80 et 90, Cyrus nous arrive ici avec un récit fort qui, pour moi, s'avère l'une des lectures BD incontournables de 2017. Alors voilà pour ce petit palmarès que je vous partage aujourd'hui. On prend une autre pause à saveur un brin musical également. Et au retour, ben, c'est des collègues, justement, Marco Duchesne, Jérôme Vermette, qui vous partagent leur coup de cœur 2017. Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD. Raymond Poirier toujours avec vous, maintenant accompagné de Marco Duchesne. Et ben en fait, c'est toujours un bon signe quand on est dans une émission de palmarès, Marco, et entre les pièces et entre les segments, on jase à quel point ça a été une belle année BD. Effectivement, et comme on est à l'approche de Noël, il est temps, toi, Raymond Scrooge Poirier, que tu reçoives la visite des Noëls passés, présents et futur. Il y a les 12 Noëls passés, présents et futurs. Ouais, ouais, là, y a, évidemment, à cause de, comme tu viens de nommer, il y en avait beaucoup. Alors, j'étais obligé de faire un petit pack de tout ça. Moi, de mon palmarès, en fait, effectivement, je les ai découpés en périodes de temps, c'est-à-dire pas de temps, mais j'ai voulu mettre dans mon palmarès des choses du passé qui sont revenues soit en réédition ou soit en découverte qui soudainement ont apparu. Et mon premier exemple, là, c'est vraiment le cas. C'est Harvey Goodman qui est en fait, que certains vont peut-être connaître, c'est un des cofondateurs du magazine Mad aux États-Unis. Et Mad aux États-Unis a été le magazine humoristique pour la jeunesse, ados et même adultes encore aujourd'hui, qui a influencé humoriste, cinéma, scénariste, BD. Bref, ça a été en humour vraiment, ça a été un des fiers de fer de lance de l'humour nord-américain, je pense. Je suis convaincu. Et il est revenu en intégrale. Et là, non, en fait, à une époque, Guzman avait demandé à un éditeur de format de poche qui s'appelle Ballantine Pocket aux États-Unis. Il dit, moi, il dit, j'ai 4 histoires en BD drôles que j'aimerais que tu publies. Alors, Ballantine, qui avait rien d'autre à faire, j'imagine, et qui avait pas calculé son affaire, a dit, OK. Et là, Guzman a fourni 4 histoires en BD, 4 parodies de genre, roman policier, roman d'amour, roman western, et l'autre, je m'en rappelle plus, mais c'est pas grave, et 4 histoires qui ont tenu en un volume. Historiquement, Raymond, on a assisté au premier roman graphique. Et C'est la jungle, c'est ça. Mais à la lecture de ça, on s'aperçoit que ça n'a pas du tout vieilli, que Fluide glacial a puisé son inspiration là. C'est du Gossen, tu connais Gossen, c'est du Edica, c'est vraiment c'est la jungle de Harvey Goodman paru chez Wombat. Allez-y, procurez-vous-les. C'est pas un morceau d'histoire, c'est notre histoire. C'est de l'humour, vous allez voir. Et Wombat est une maison d'édition qui fait de la littérature humoristique anglaise et américaine, là, et qui publie de grands auteurs humoristiques. Et là, c'est une réussite. Et avant de passer à tes fantômes des Noëls présents, Marco, est-ce que t'as un autre Noël passé? Un tout petit. Tu sais, en tant que cow-boy, je ne pouvais pas passer sous silence cette volonté qu'a eu les éditions du Lombard de rééditer les 10 tomes de Comanche, la série western qu'avait fait Herman, le dessinateur, et Greg, le scénariste. Et Greg, qui est pas juste Achille Talon, qui est aussi un grand scénariste. Oui, qu'on a tendance à oublier, en fait. Ah, je pense que oui. Et Comanche est pour moi la grande perfection du genre western. Et c'est d'un classicisme là, qui brille, là, qui est étincelant. Et ils ont réédité ces 10 tomes-là dans un format. On est habitué maintenant de voir les BD dans des formats un peu plus grands. Mmh. Et là, dans un format à l'ancienne, une vraie BD. Et à 17,95 chaque... Non, mais attends! 17,95 chaque! Maintenant, on sait que ça vaut 20$ et plus une BD. Et là, on peut avoir ce classique. Chaque tome à 10... Réfléchis. Je vais te laisser le temps de réfléchir. Tu m'as l'air un peu perplexe. 17,95. On tombe maintenant dans les fantômes des Noëls présents. Ben oui, là, ces séries-là qui, en fait, tu vois, mais là, tu sais à l'avance, mon palmarès c'est international. Oui. T'as remarqué que j'ai flirté avec le monde entier. Oui, mais enfin, en échange, moi, je fais que québécois. Toi, tu fais surtout international. Ouais. Puis Jérôme, je pense faire un peu des deux. Donc. Alors, moi, le présent, ce qui, à mon avis, est une des séries marquantes de la BD internationale, est Walking Dead, qui est d'une grande... Et depuis 10 ans, c'est d'une grande efficacité. Là, je te parle pas de la série télé. Je te parle de la série bande dessinée papier, qui, depuis 10 ans, on n'a jamais faibli en intérêt, en intensité, en imagination pour développer une histoire sur 28 tomes. C'est des paperbacks de 28 tomes qu'on est rendu et jamais toujours intéresse, toujours à innover dans l'histoire. En fait, à la lecture du dernier récemment, je me suis aperçu, mais je dis, attends une minute, ce que nous raconte Robert Kirkman, l'auteur, c'est que il a pris un homme il y a 10 ans, il l'a réveillé de son coma, il a fait face à l'apocalypse zombie. Cet homme-là, c'est lui qui va reconstruire la civilisation. Je me suis aperçu au dernier que c'est lui, c'est tout son parcours n'est que ça. Il est passé d'un groupe de 10 à une ville, un petit village de 100 personnes, à des communautés de 2 à 500 personnes. Et là, on voit qu'il... Et là, j'ai réalisé, mais attends, il nous raconte la renaissance de la civilisation dans une apocalypse, et c'est Rick Grimes qui va le faire. Écoute, à mon avis, c'est une des grandes séries en ce moment, en bande dessinée. Et Marco, dans tes sélections, tu nous as fait revenir un peu avant l'émission et j'ai été surpris, en fait, parce que je te connais pas comme un grand lecteur de manga, mais tu as un de tes mangas là-dedans. Ouais, voilà. Et c'est vrai que j'en suis pas un. Mais ça, écoute, j'ai été bouleversé. Et quand je te dis bouleversé, c'est de l'émotion que j'ai vécue en lisant ce petit manga-là, conseillé évidemment par mon collègue Édouard Tremblay, qui lui est un spécialiste. Et souvent, il me montre, ah, ça, tu vas aimer ça, ça. Tu... Et là, il dit, essaye ça. Comme ça. Et wow, j'ai été séduit. Une histoire évidemment entre le bien et le mal. Évidemment, les Japonais, tout ça est souvent très tranché dans leur façon de raconter. Une fillette a été adoptée par une créature du monde extérieur qui vit dans une forêt. La fillette l'appelle le professeur. Cette créature-là, on voit que c'est une bête tout en noir. Elle a des cornes. C'est comme une espèce de chevreuil ou de cerf, peu importe. Cette créature-là s'appelle le maudit, car le titre du manga est l'enfant et le maudit. Cette créature-là protège cet enfant-là et... Les gens du village veulent ravoir l'enfant. Il y a une espèce de combat entre les deux. Qui est méchant? Qui est le bon? Mais l'histoire, c'est pas ça. Le manga, c'est dans sa façon de raconter. C'est l'atmosphère, la description. À mesure que l'aventure avance, que la série avance, les pages, les cases, se fait dans une espèce de sérénité, de silence presque. Et le dessin en aplat, du noir et du blanc. Écoute, moi, me conquis. On est rendu au tome 3. Et le tome 3, je courais dans la librairie, tu vois, Edward, hey, regarde, ils l'ont presque eu, c'était un piège. Et là, vraiment, il m'a fait prendre mes pilules et il m'a couché de bonne heure le soir. Et tout ça pour dire, c'est un joli manga, c'est vraiment une belle série japonaise. Je sais pas si c'est japonais, mais je pense que oui, dans ce cas-là. Et pour terminer, enfin, on fait un petit sprint, Marco, dans ce que tu as appelé tes Noëls futurs. Ben, un couple à surveiller, d'auteurs à surveiller pour l'avenir, parce qu'ils nous ont donné, on a eu en traduction des choses cette année, ils nous ont donné des choses qui sont démarquées, je pense, de la production BD. C'est un couple qui s'appelle Radis et Turconi. C'est un couple, monsieur, madame, italien, qui travaille ensemble. Ils nous ont donné, rappelle-toi, Le port des marins disparus, un roman graphique d'apprentissage en noir et blanc. Je pense que c'est monsieur qui dessine au plomb, avec une énergie dans le dessin et une histoire initiatique d'un jeune marin qui va apprendre la vie et, sous le commandement sur un bateau. Mais ils ont aussi récemment fait paraître des séries jeunesse fort intéressantes, fort prometteuses. je pense à Violette autour du monde, dont je t'ai sûrement parlé une fois, de cette petite fille qui, dans un cirque, voyage à travers les villes d'Europe et rencontre des artistes comme Toulouse-Lautrec, comme Dvorak, le compositeur de musique. Et ils viennent de sortir une toute nouvelle série qui s'appelle Tosca des Bois, une espèce de récit médiéval où on a le droit à une jeune voleuse qui s'appelle Tosca des Bois, qui vole les riches, une jeune fille qui vole les riches pour donner aux pauvres, qui va aider une jeune duchesse à s'émanciper de la royauté qui est prisonnière dans un château. Ils vont l'aider à s'émanciper. Et un drôle de poète qui cite Dante à tout bout de champ. Dans l'avenir de la bande dessinée jeunesse, et tu vas voir, là, je te prédis que dans les années à venir, on va avoir un boom énorme en BD jeunesse. On va avoir des titres, il va y avoir un boom là incroyable, et à surveiller ce couple, Radis et Turconi, qui vont nous donner probablement les meilleures séries jeunesse. Et qui ne t'ont pas déçu à date. Trois coups de circuit. Là, tout à fait. Ah oui, c'est pour ça que je te dis que c'est le fantôme. Réveille, Raymond, c'est le fantôme des Noëls futurs. Alors, les trois fantômes donc que tu nous as offert, Marco, le passé, le présent et le futur, en route vers un autre futur, puisque qui sait qu'est-ce que nous livrera 2018 en bande dessinée, en espérant que ce soit une aussi bonne année que 2017. Moi, je suis prêt. Moi aussi. Mais ben, joyeuses fêtes, Marco. Hey, vous aussi. Puis, toute la gang. À l'année prochaine. Noël. Oui. Salut bien. Salut. Alors voilà, c'était Marco Duchesne et ses coups de cœur de l'année 2017. Dernière ligne droite pour la vie en BD, dernière édition de 2017. Et les derniers moments d'émission qu'on passe en compagnie de Jérôme Vermette. Bonjour. Salut Raymond. Alors, troisième de nos libraires en résidence du côté de la librairie La Liberté dans ton cas. Et ben comme les autres, en fait, on était un peu dans les idées cadeaux au début. Et là, depuis la dernière demi-heure, on est à fond dans les palmarès, dans les bilans de fin d'année, dans les coups de cœur. Et t'en as quelques-uns à nous partager. Parce que je suis assez d'accord avec toi et Marco. Ça a été toute une année et pas facile de départager qu'est-ce qu'on a aimé le plus et tout ça. En fait, je disais justement, on s'est vu, on s'est croisés ce matin et ouais. On était les deux un peu encore à se prendre la tête, à savoir qu'est-ce qu'on met dans les palmarès. On a peur de passer à côté de quelque chose, puis en même temps, on voudrait rien oublier. Là, il y en a peut-être là-dedans que vous avez déjà parlé, mais moi, cette année, je peux comme pas passer à côté. Moi, ma série culte depuis que je suis tout petit, c'est Torgal, et puis... À chaque fois que Rosinski en sort un, pour moi, c'est comme un événement. Oui, parce qu'il y en a beaucoup autour, ouais. Mais la trame centrale... Puis le dernier était très, très... En fait, le feu, il y avait quelque chose le qui a sorti. Le feu écarlate, là. Ben moi, personnellement, je l'ai beaucoup aimé, mais... Est-ce que je suis un peu trop vendu à l'avance? Rosinski, pour moi, est un grand artiste qui n'a jamais cessé d'évoluer du premier Torgal jusqu'à maintenant. C'est un artiste graphique absolument hallucinant. Et là, cette fois-ci, Torgal est rendu entre les mains de Xavier Dorisson, qui est un excellent scénariste que j'avais connu à l'époque avec le Troisième Testament. Et il ne me déçoit pas. Il a écrit le Torgal le plus long depuis le début de la série, qui était toujours à 48 planches, et maintenant, on est dépassé, je pense, 51-52 planches. Rosinski, lui, au niveau graphique, a fait un travail absolument formidable, et à suivre les séries autour qui sont peut-être plus inégales que la série centrale, on sent que ça s'en va vers quelque chose. Moi, j'aime beaucoup toutes les suivre, mais c'est sûr que c'est la série centrale qui cartonne, et j'ai vraiment hâte de voir vers quoi ça va aller, parce que là, on voit que les séries à côté Christophe Nord et Louvre qui est plus une espèce de Scandinavie fantasmée à fond la caisse là, par rapport aux autres séries, là, ça s'en va vers rejoindre la série centrale. Oui, j'ai vraiment hâte de voir. Enfin, en fait, le dernier Torgal qui était beaucoup plus sur le principe du dilemme moral aussi, ouais. Donc ça amenait d'autres dimensions. C'était moins un tome d'action, même si tout explose, mais on était beaucoup dans la réflexion. Là. Ouais, ben ça paraît que c'est plus Van Hamme. Le rythme de la série a beaucoup changé. Yves Sant avait rendu ça un peu bavard, mais moi j'avais beaucoup aimé. Il a essayé de centrer la série sur Yolande. On est revenu sur Torgal et puis en tout cas. Moi, personnellement, je trouve que c'est excellent. Je te laisse en mentionner un autre. Oui, déjà, là, au printemps dernier, il y a un album que je trouverais dommage qu'on ne reparle pas parce que, selon moi, c'était vraiment excellent. C'était le one-shot que Boozer avait fait avec Lucky Luke. Ah. Le Jolly Jumper ne répond plus. Écoute, les artistes qui reprennent les personnages de cette manière-là, ils le font leur en même temps qu'ils lui rendent hommage. Je trouve que Boozer a réussi de manière vraiment magistral. Donc, c'est approprié le personnage sans lui faire honte, si j'ose dire. Et il y a des trouvailles humoristiques dans cet album-là qui est absolument génial. Et comment se moquer du trait le plus hallucinant du personnage, c'est-à-dire sa relation fusionnelle avec son cheval, alors qu'elle semble ne plus exister. En tout cas, ça, je trouve que les amateurs de Lucky Luke, c'est sûr que ça s'adresse vraiment plus à ceux qui connaissent bien l'univers de Lucky Luke, comme souvent les one-shots le sont, mais actuellement ces albums-là de Lucky Luke sont plus intéressants que la série principale et ils sont vraiment très très bien. Donc Jolly Jumper ne répond plus pour les fans de la série centrale. Surtout qu'il y avait des gros il y avait des grosses bottines à remplir, ouais. Après L'homme qui tue Lucky Luke qui est extraordinaire. Tout à fait, c'est ça, ces deux albums-là vraiment fameux là, c'est Lucky Luke tel qu'on devrait le voir. je veux parler là de trucs plus totalement différents, donc en espérant que j'aie encore suffisamment de temps. J'ai deux albums qui sont sortis cette année. C'est des autobiographies. D'une certaine manière, elles sont totalement différentes, mais que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui m'ont marqué au niveau intensité, je te dirais, d'une manière très différente. Le premier, donc, c'est Dark Knight, une histoire vraie, j'en parlais tantôt, là, quand Marco est sorti. Donc, il faut dire, pour le contexte, Jérôme a son t-shirt de Batman, présentement. Donc, ça appelle à avoir l'impression que je rende mon petit hommage, quand même. Donc, Paul Dini, le scénariste, qui raconte là-dedans une époque où il travaillait sur le film de Batman, And the Mask of the Phantasm, qui s'était fait attaquer totalement gratuitement par des gens en sortant d'une soirée. Et il raconte là-dedans comment son art et les personnages sur lesquels il a passé sa vie à travailler, ni plus ni moins, l'ont aidé à passer par-dessus le problème psychologique et physique que ça lui a apporté. Donc, tout au long de la bande dessinée, qui est dessinée de manière magistrale, soit dit en passant, le personnage principal de Paul Dini est constamment en dialogue avec Batman, qui représente son meilleur côté, et évidemment le Joker, qui lui essaie de le rendre procrastinateur et tout ça. J'avais aimé là-dedans autant la mise à nu de l'auteur sur lui, ce qu'il était, ses propres travers qu'il voit en lui, que la manière dont l'art et l'intérêt qu'on a pour nous à lire de la bande dessinée autant qu'à en faire fait le sauver, ni plus ni moins. Là. Et ça devient intéressant parce qu'on parlait tantôt avec Lucky Luke en fait d'une réinterprétation, ouais, de l'univers, d'une appropriation, ouais, d'un univers emblématique. C'est un peu la même chose avec Batman ici. Ouais, mais en fait, moi, dans ma tête, en plus de ça, là-dedans, il montre un peu l'importance que ça a comme mythologie, hein, les super-héros. Pour les gens on était jeunes quand on a commencé, puis adultes, à quelque part, ça nous parle encore, puis on n'a pas à avoir honte que ça nous parle encore. Vraiment un super bel album, tant au niveau scénaristique que graphique. Dans un autre genre totalement différent, et là, je vais vers la réédition. une réédition qui s'est faite vraiment ce printemps, c'est Carnation, qui est paru dans la collection Écriture chez Casterman. Donc, c'est un bon pavé de bande dessinée. Mon Dieu, l'auteur, là, tu vois, j'ai un blanc pour l'auteur, Xavier Mossan, quelque chose comme ça. En tout cas, avec une préface de Jean-Christophe Menu, on est totalement dans un autre genre, parce que je pense que l'association aurait vraiment trippé à publier ça à une certaine époque. Donc, l'auteur qui raconte, là, vraiment, d'une manière très, très, très intense, une relation toxique qu'il a eue avec quelqu'un, une relation qui l'a obsédé, et puis pourtant, il n'arrivait pas à s'en sortir en tant que tel. Et ça, oui. C'est de Xavier Moussa. Moussa, j'étais pas loin. Xavier Moussa. Donc, vraiment, là, en termes d'intensité émotionnelle, Carnation a été très, très difficile à battre. Vraiment, l'auteur nous montre vraiment, tant au niveau scénaristique, donc avec les mots, qu'avec l'image, il utilise beaucoup la symbolique dans chacune de ses cases pour nous faire vraiment rentrer à fond sur comment il s'est senti à travers cette relation-là. C'est un très gros pavé. On en sort un peu meurtri, mais moi, je trouve qu'un art comme ça qui nous fait vivre des émotions intenses comme ça a réussi son coup, selon moi. Oui, ça devient intéressant, parce que dans le fond, je trouve ça intéressant même de les mettre en opposition, comme tu viens de le faire, dans la mesure où d'un côté, on a Batman, justement, où là, on joue avec le côté emblématique, mythologique des super-héros. Après ça, là, on joue avec un autre type d'emblème, de signal, mais c'est des manières par lesquelles, justement, on crée, on renforce peut-être une relation entre l'auteur et le lecteur, puis on crée un dialogue de par l'utilisation de symboles comme ça. Mais dans les deux cas, je trouve que ça montre le potentiel de la bande dessinée pour parler des gens, hein, des émotions et tout ça, alors que beaucoup de gens qui n'en lisent pas beaucoup pensent que c'est juste du divertissement, hein, à la longue. Oui, mais on peut aller très loin. En fait, il y a de tout. Comme il y a de tout en roman, je veux dire, c'est comme on circonscrit pas la bande dessinée. C'est pas un genre, la BD, c'est un genre littéraire. De moins en moins, juste un genre, c'est un médium, comme tu le dis, effectivement. J'aimerais quand même le souligner, moi, avec le temps qui me reste peut-être, là, la sortie de... moi, je trouve que ça a été une excellente réussite, là. J'avais un peu peur, mais j'ai pas été déçu du tout. C'est le retour de Lapineau par Lewis Trondheim, un monde un peu meilleur. C'est vrai qu'on avait peur, enfin. Moi, j'étais un peu inquiet. Lewis Trondheim est capable du meilleur comme du pire, on dirait, des fois. Ça y est arrivé de se tromper. Moi, je trouve que cette année, il cartonne bien. Là, Lewis Trondheim, sa série Infinity 8, j'adore. J'embarque à fond la caisse. Le concept est hallucinant et original. Et puis là, ben, son Lapineau, il revient dans des anciennes amours pour ses fans. Et il a vraiment bien réussi. La bande dessinée commence, on dit, le Richard et Lapineau qui discutent, qu'est-ce que t'aurais fait si j'étais mort et tout ça. Alors qu'on se souvient que Lapineau, lui, dans la dernière fois où il était apparu, il mourait justement. Donc, comment il le fait revenir, on va balayer ça du revers de la main. Et évidemment, comme dans tout bon scénario de Trondheim, on sait pas du tout, au fur et à mesure qu'on se laisse amener, où ça va nous mener. Mais quand on y est rendu, on fait « Non, mais c'est pas vrai ». Et c'est vraiment excellent, là. À tout point de vue, moi, je trouve que c'est un excellent album, Un monde un peu meilleur. J'ai peut-être le temps de terminer pour au moins une autre bande dessinée que j'ai beaucoup aimée, parce que je l'ai trouvée extrêmement enlevante. On est plus dans le domaine du roman graphique. C'est Ces jours qui disparaissent. Je pense que j'en avais parlé la dernière fois que je suis venu ici. Et puis, il a été nominé pour les prix... mon Dieu, c'est en Europe. ABQ, ABDQ, je sais plus trop que... Ouais. En tout cas, ACBD. ACBD, voilà, excuse-moi. Et il a été nominé, il a pas gagné, là, c'est la Terre des Fils qui avait gagné, mais il avait été nominé, et selon moi, avec raison, vraiment, un scénario de science-fiction, à la fois de science-fiction et de thriller ficelé au quart de tour, Ces jours qui disparaissent, qui raconte l'histoire d'un artiste de cirque dans le début de la vingtaine, et qui se rend compte qu'un jour sur deux, il est habité par une autre personnalité, donc il ne sait absolument pas ce qui se passe cette journée-là. Et il commence un dialogue avec l'autre personne, avec une caméra, une web caméra. Et les deux commencent à se parler. C'est deux personnalités totalement différentes. Un qui est artiste, l'autre qui semble être plus BCBG. Et éventuellement, cette autre personne prend de plus en plus de place. Et là, on avance dans le temps. On se demande où ça va nous mener. C'est vraiment bien ficelé. C'est un gros roman graphique et il est impossible de le lâcher. Je l'ai lu d'une traite. C'est lourd. Surtout quand tu t'y attends pas. On dirait que après, t'as plein de tâches à faire pis t'es plus capable de rien faire, faut que tu finisses la BD. Ben ça a été ça un peu, parce que je me disais, oh, je vais juste en lire quelques pages. Mais non, impossible de la lâcher. Je me suis rendu jusqu'au bout d'une traite. C'est génial comme bande dessinée, selon moi. Le dessin a l'air de du manga dessiné ligne claire. Faut le voir pour comprendre peut-être un peu ce que je veux dire. Là. Les personnages sont style manga, mais le style de dessin est plus proche de la ligne claire. Mais en termes de scénario, là, c'est vraiment quelque chose qui m'a impressionné sur des questions sur l'identité, la mémoire, etc. Là, une fois que c'est fini, on a l'impression qu'on en a plein le cerveau, mais on s'est pas ennuyé une seule minute. Et puis, mon dernier droit, c'est quelque chose qui vient de sortir. C'est une bande dessinée américaine. Je sais pas si c'était, si ça serait tant un coup de cœur que ça, mais je l'ai aimé, puis ça vient de sortir. Je veux la signaler. C'est Legendary, qui me fait penser un peu à League of Extraordinary Gentlemen, c'est-à-dire Legendary. On est dans un univers steampunk dans lequel des personnages de romans de bande dessinée, des héros de romans de bande dessinée vivent des aventures assez rocambolesques. Donc, on a Red Sonja comme personnage principal, le fantôme, Flash Gordon. Ils sont tous dessinés d'une manière hallucinante. Et c'est de l'action au quart de tour. Là où League of Extraordinary Gentlemen par Alan Moore a des moments plus réflexifs, cette bande dessinée-là, on y va, ça roule, on se promène à travers le monde et à chaque fois, on a des nouveaux personnages qu'on a aimés, qui rentrent en scène et ils sont dessinés d'une manière vraiment hallucinante. Legendary, pour les amateurs de bande dessinée américaine plus classique actuelle, c'est quelque chose à voir, selon moi. Et en 20 secondes, est-ce que tu as un site québécois aussi qui t'a particulièrement marqué? Moi, il y a deux bandes dessinées québécoises que j'ai vraiment beaucoup aimé. Selon moi, mes deux coups de cœur québécois, c'est Seth et Betty Boob. Ce qui est leur point commun, c'est que c'est de la BD muette dans les deux cas. Pourquoi je les ai adorés? C'est qu'ils réussissent le coup de circuit à faire de la BD totalement muette, purement graphique et de manière magistrale. Une, de manière totalement déjantée. Seth, c'est une misery totalement déjantée. Vraiment très, très drôle. Betty Boob, plein d'émotions. Et évidemment, Julie Rochelot, toujours winner. Jérôme Vermette, merci beaucoup. Merci et à la prochaine. Oui, ben joyeuse fête, enfin à l'année prochaine. On se revoit en 2018. Exactement. On est à l'époque où c'est la dernière, les derniers moments de chaque année. Alors Jérôme Vermette et donc c'est coup de cœur 2017. Nous, ben en fait, ben je vous souhaite également joyeuse fête et bonne année à tous et à toutes. La vie en BD sera de retour le 5 janvier où l'on en profitera pour rediffuser une longue entrevue réalisée dans l'une de nos premières saisons. Et une édition régulière vous sera proposée le 13 janvier 2018. Alors c'était Raymond Poirier au micro. Toujours un plaisir de vous retrouver ici sur les ondes du 89.1 CKRL.